momento. Ceci c'est des artistes, ceci c'est des artistes, ceci c'est mayonnaise. Ceci c'est des artistes, ceci c'est des artistes, ceci c'est mayonnaise. Tu prends la mayonnaise, tu la mets sur la saucisse, tu peux la lécher, c'est un vrai délice. Pourquoi t'as toujours de la merde au cul?